Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Karine Fleury. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF, qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, si vous ne le savez pas encore, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et moi, c'est un partenariat en or qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Des personnes comme Karine. Karine, toi, tu es cofondatrice et présidente de Ma Bouteille s'appelle Reviens. C'est une entreprise qui œuvre pour le retour de la consigne en Drôme-Ardèche en proposant de laver les contenants en verre pour les brasseurs, les viticulteurs, les producteurs de jus, de lait. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, nous sommes à l'Upercute Forum à Valence et nous parlerons ensemble de modèles Amish, de notre capacité à remettre de la circularité dans nos modes de vie, de sobriété et de création d'emplois. Ni plus ni moins, voilà. Allez, pour commencer cet échange, Karine, je te pose la même question que je pose à tous mes invités. Imagine, tu es dans un événement où tu ne connais pas des gens, ça arrive encore peut-être en 2022, et vient cette question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, si je suis dans un événement où je ne connais pas grand monde, ça veut dire que c'est peut-être un événement qui n'est pas de mon sérail, c'est-à-dire pas avec que des gens qui, comme moi, œuvrent chaque jour pour la transition. Et ça, c'est super intéressant. Parce que je vais pouvoir passer des messages en expliquant ce que je fais. Et donc, je vais commencer par leur dire que je ne travaille jamais seule. Et ça, c'est très important, qu'on est toujours plusieurs. J'ai plusieurs activités. Dans toutes les activités, je ne suis jamais seule. Je vais essayer de les faire rêver peut-être un peu en leur disant qu'on est des rallumeurs d'étoiles, qu'on essaye d'éteindre ce monde qui nous a un peu éteint, nous, et d'en rallumer un autre, en tout cas d'essayer de poser des bases de quelque chose d'autre. Alors forcément, ça va les faire un peu ricaner. Ils vont me dire, ouais, bah, ça va, mais concrètement, tu fais quoi? Et donc, bah, concrètement, je vais leur expliquer qu'on essaye effectivement de remettre en place le réemploi en Drôme-Ardèche. Alors là, ils vont forcément me dire, mais ça existait avant la consigne. Moi, je me rappelle, enfin, s'ils ne sont pas trop jeunes, ils vont me dire, mais avec ma grand-mère, j'allais... Donc oui, effectivement, ça a existé. Et en fait, l'ère du tout plastique a complètement balayé cette idée. Et pour vous donner un petit exemple un petit peu amusant, à l'époque, il y avait des publicités où on voyait une maman avec son bébé, avec une belle bouteille en plastique qui disait « Ma bouteille d'eau ne sert qu'à mon bébé et à moi, ça me rassure ». Donc voilà, en fait, c'est un peu comme ça qu'est arrivée l'ère du tout plastique. C'est sur ces questions aussi hygiénistes et donc qui peuvent un peu nous faire sourire aujourd'hui, mais en tout cas... Voilà, c'est ce côté tout plastique qui a balayé la consigne. Et donc, on se dit qu'aujourd'hui, au contraire, on en a trop du plastique, on en a partout, on en a dans nos mers, dans nos estomacs, et qu'on a surtout envie de sortir de cette ère du tout plastique. Et donc, nous, voilà, on essaye de remettre en place la consigne du verre en Drôme-Ardèche. Avec cette question très complète que tu viens de faire, tu ouvres la porte à la prochaine question que j'avais envie de te poser, parce que tu le dis, en fait, la consigne, on l'avait déjà. Il y a 50 ans en arrière, à peu près. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de vraiment, vraiment étranger aux Français, en particulier aux personnes qui nous écoutent là en ce moment. Mais en fait, quand on aborde la question de la consigne, on n'est pas sur de l'avant-garde technologique qui ferait pâlir d'envie Elon Musk ou Xavier Niel, je sais pas. Et donc là, tu le dis, avec la pub à l'époque qui était là pour mettre en avant le tout plastique qui commençait à arriver, on était dans un affrontement des imaginaires. Est-ce que je fais un raccourci un peu rapide? Est-ce que je vous mets dans la mauvaise catégorie quand je pense que tout ce qui est du réemploi, de la consigne, ça va aussi un peu dans cet imaginaire du modèle Amish dont nous parle le président en disant on va pas vivre quand même chacun déconnecté de nos écrans à avoir notre bouteille de lait qui nous attend le matin sur notre perron. C'est l'ancien monde, ça. Ça nous appartient plus. Ça fait plus rêver. Et pourtant, toi, tu défends ça. Oui, nous, on défend ça parce que dans le retour de la consigne, il y a effectivement, c'est pas du tout un retour en arrière, c'est-à-dire au contraire, c'est une avancée. On est tous un peu dégoûtés de voir tout ce plastique qu'on a chez nous et dont on ne sait pas quoi faire. Là, on prend une bouteille, on la met dans un casier et puis on a la chance de pouvoir retourner chez notre producteur de bière, de pouvoir le saluer, ou on a la chance de pouvoir retourner dans notre magasin bio et lui déposer nos bouteilles. Donc, non seulement c'est quelque chose d'intelligent, parce que transporter du verre, le refondre à 1200 degrés, refaire une bouteille que l'on retransporte, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils commencent à se rendre compte que tout ça, c'est marcher sur la tête. Donc au contraire, on est en train de remettre quelque chose d'intelligent en place. Et puis en plus, il y a un côté lien social qui est super chouette. Et ça aussi, on en a tous horriblement, terriblement besoin aujourd'hui. Et donc tout ce qui va dans ce sens-là, pour moi, c'est pas du tout du retour en arrière. Au contraire, c'est on va enfin mettre en place des choses qui nous correspondent intimement à chacun d'entre nous. Peut-être que finalement, si on pense vraiment à ce sujet de la consigne, ça, pourquoi pas, on peut avouer aussi qu'on s'est trompé. Et peut-être que, en fait, on pensait qu'on allait avoir tout un tas de progrès qui viendraient avec le plastique sans avoir vraiment anticipé cette surabondance du plastique qui se retrouverait dans la faille la plus profonde de nos océans et la montagne la plus haute qu'il y a sur la Terre. Peut-être qu'on a le droit de dire de temps en temps qu'on se trompe, c'est pas grave, non? Ça fait preuve de maturité. Oui, évidemment. Et là, on a vraiment envie que tout le monde se remette un petit peu en question sur la façon dont on vit et la façon dont on a surconsommé la nature qui devrait être notre allié, qui est notre essence profonde à chacun d'entre nous, et en fait qu'on exploite comme on exploiterait n'importe quoi d'autre. En fait, là, on est vraiment dans ces projets, je trouve, dans une logique au contraire de se reconnecter à nous, à notre relation à la nature. Donc, pour le coup, je trouve que c'est très positif et j'adore tous ces projets pour ça aussi, quoi. C'est pour ce côté retour à quelque chose de plus grand que nous, en fait. Et en plus, contexte géopolitique, politique, économique oblige, on se retrouve en ce moment à entendre beaucoup parler de sobriété et il s'avère qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à lever la main en disant « Attention les gars, pour moi, l'hiver, ça va être très très compliqué, en particulier les entreprises qui sont liées à la production de verre parce que ces fours, ils consomment énormément d'énergie. » Et donc, on a l'exemple là, il y a quelques jours, de Duralex qui disait qu'ils allaient pouvoir vivre, entre guillemets, sur leur stock pendant l'hiver et qu'ils arrêteraient de faire tourner leur four et de continuer à créer, de continuer à produire. Donc finalement, la consigne, c'est même carrément une très très bonne nouvelle à très très très court terme. Exactement. Les gens, en fait, ont réalisé, je pense, pendant la crise Covid, qu'on était très fragile de notre peu de résilience. Et ces projets territoriaux, ils se basent là-dessus, c'est-à-dire se dire comment on devient résilient, comment on devient autosuffisant par rapport à plein de choses. Et franchement, on aurait aimé que tous les viticulteurs, certains brasseurs qui s'y étaient pas mis à la consigne, y viennent par conviction. Voilà, on en a beaucoup qui y viennent par obligation, puisqu'il y a la surcouche de la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a énormément de verreries qui ont fermé en Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a des viticulteurs qui se retrouvent sans bouteille. Ah oui, ils n'ont pas le choix en fait. J'allais dire qu'ils viennent parce que c'est moins cher, mais en fait non, ils n'ont tout simplement pas le choix. Ah là, ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les viticulteurs qui avaient de grosses réticences à laver les bouteilles, ont retrouvé des stocks de bouteilles dans leur arrière-cour et nous les ont fait laver pour pouvoir remplir pouvoir vendre leur vin, quoi. Donc là, on est vraiment dans une situation de blocage. Certaines entreprises ont jeté leurs fruits parce qu'ils n'avaient pas les pots pour pouvoir mettre leur confiture ou leur compote. Donc là, on se prend en pleine figure ce qui va se passer et qui va s'accélérer dans les années à venir. On espère pouvoir freiner tout ça grâce à tous ces beaux projets, mais en tout cas, aujourd'hui, on prend conscience qu'on est fragile de cette dépendance en fait à l'extérieur et de ne pas trouver nos propres solutions en local pour voilà, pour pouvoir s'approvisionner dans plein de trucs. Donc là, tous les arguments avec lesquels j'arrivais, qui disent que la consigne a un vrai impact écologique parce que bah, du coup, le verre, c'est du sable et on sait qu'on va avoir cette crise et on commence déjà à ressentir les effets de la crise liée au sable, qui est la ressource la plus demandée sur Terre ou presque, qu'en plus, bon, bah, c'est tout un tas de déplacements qu'on limite, que j'avais trouvé ces chiffres qui disaient que ça permettait d'émettre 79% de gaz à effet de serre en moins, de diminuer la consommation d'eau de 33% si on le compare au recyclage d'une bouteille. En fait, tout ça, finalement, on s'en fout. Maintenant, c'est juste qu'il n'y a plus de verre, qu'il n'y a plus d'autres bouteilles, il n'y a plus de bocaux. Et donc, il faut obligatoirement remettre cette circularité si on veut faire tourner notre économie. Oui. Et vous, vous le ressentez? Vous avez des chiffres là qui vous permettent de voir cet engouement forcé, mais engouement quand même? Oui, oui. On va passer de 100 000 bouteilles, enfin contenants lavés en 2021 à 600 000 en 2022. Et on a une image très marquante, c'est notre entrepôt rempli à ras-bord de bouteilles, parce que voilà, il y a vraiment une demande qui est extrêmement importante. Ces chiffres, ils ne sont pas balayés parce que c'est une super bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'obligation va permettre d'économiser effectivement 79% d'émissions de gaz à effet de serre, 33% d'eau. Donc, quelle bonne nouvelle. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens viennent à nous par obligation. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça reste quand même une question. C'est-à-dire que si demain, les verreries en Ukraine rouvrent, si demain, pour une raison X ou Y, le prix de l'énergie refait à une petite dégringolade, ben, je pense que, en tout cas, certains ne... voilà. Oui, parce qu'on se disait que c'était peut-être impactant positivement pour le porte-monnaie. Alors, je sais que ça l'est pour le porte-monnaie des consommateurs en Alsace, là où les bières, notamment les brasseries, ont continué à mettre en place le système de la consigne, mais pas que. On note une différence de 20% du prix en moyenne entre les bières qui sont consignées et les bières qui ne sont pas consignées. Donc, les gens vont vers les bières consignées parce qu'elles sont moins chères. Est-ce que pour les producteurs, on en parlait, producteurs de jus, de lait, etc., etc., la consigne, c'est aussi vertueux économiquement, c'est source d'économie financière? Non, même pas. Non, c'est pas une source d'économie financière. C'est-à-dire que une bouteille lavée vaut à peu près le même prix qu'une bouteille neuve aujourd'hui, parce que une fois de plus, on ne paye pas du tout les choses neuves au prix qu'elles coûtent vraiment à la nature. Mais aujourd'hui, en gros, ça leur coûte la même chose. Et puis, il y a un investissement en amont sur le type de bouteille, parce qu'on ne peut pas laver n'importe quel type de contenant, sur les étiquettes, parce qu'on ne peut pas enlever n'importe quel type d'étiquette avec un lavage. Donc, il y a un investissement de leur part au départ. Donc, non, on ne peut pas dire, en tout cas aujourd'hui, que c'est plus intéressant pour eux de passer par des bouteilles, enfin, ou des contenants réemployés. En revanche, c'est sûr que c'est un bon pari sur l'avenir. Parce que même si effectivement il peut y avoir une inflexion du prix de l'énergie, la tendance générale, elle est forcément à la hausse. L'eau va être de plus en plus restreinte en termes d'accès. Là, on a vu qu'il y a des entreprises qui ont eu des restrictions sur l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, on va vivre des périodes de restrictions sur l'eau et l'énergie. Donc, c'est forcément un bon pari. Merci, tu nous permets de lever un peu la tête et de regarder plus loin, d'imaginer à moyen et long terme l'intérêt de la consigne. On le comprend donc stratégiquement pour maintenir une activité pour les entrepreneurs qui nous écoutent. J'imagine que pour les personnes aussi qui se posent la question du sens à l'emploi, de ces emplois qui, on nous le dit, disparaîtrait avec la croissance rognée de plus en plus, la décroissance même qu'on nous promet. J'ai l'impression que les métiers de la consigne font partie de ces métiers qui vont, eux, largement se développer et donc, en fait, proposer comme ça des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'emplois à travers toute la France. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que tu as des chiffres à m'apporter là-dessus? Alors oui, je peux te confirmer ça parce qu'effectivement, il faut beaucoup plus de personnes pour collecter des bouteilles, pour les laver et pour les livrer à nouveau que pour faire marcher un gros four qui fabrique des bouteilles neuves. J'ai pas de chiffre à te donner. Voilà. Le seul que je peux te donner, c'est le chiffre à notre petite échelle. Donc où nous, on a créé aujourd'hui 6 emplois en insertion. Ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder aussi parce que c'est très important pour nous et ça fait vraiment partie de ce projet et de notre impact sur le territoire que de créer de l'emploi durable pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Mais voilà, nous aujourd'hui, on a créé 6 emplois. Là, on est en train de créer une unité mutualisée sur Rhône-Alpes, donc avec les projets grenoblois et lyonnais, justement dans cette perspective d'augmentation de la cadence. Et là, on va créer plusieurs dizaines d'emplois. Donc juste à notre petite échelle, les perspectives à 2-3 ans, c'est plusieurs dizaines d'emplois. Donc si la consigne se répand sur tout le territoire français et avec les objectifs qui sont fixés par la loi de 10% de réemploi, là, il y a énormément de potentiel de création d'emplois, oui. Pendant cet été, on a eu des interviews avec des experts de sujets qui m'intéressent, qui pourraient avoir un vrai impact sur l'emploi dans les années à venir. Et Jules, du Club Circulaire, lui nous disait que les boucles les plus courtes de la circularité sont les plus vertueuses et les plus impactantes en termes de création d'emplois. Donc j'imagine que lui, il avait en tête forcément la consigne comme faisant partie de ces boucles les plus courtes. Tu as commencé à toucher du doigt quelque chose là sur lequel j'aimerais qu'on termine dans la petite présentation là du présent. Ensuite, on va partir en 2030 glorieuse. J'apporte quand même ce chiffre, j'en ai pas d'autres et donc j'attendais un peu, j'espérais que vous alliez, que tu allais me donner des éléments. J'ai lu que si la consigne était encore plus déployée que ce qu'elle était déjà en Allemagne, ils attendaient une trentaine de milliers de créations d'emplois liées à ce secteur. Donc bon, à l'échelle d'un pays, j'ai l'impression quand même on parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés, même si l'Allemagne, eux, ils sont déjà bien avancés et que nous, j'ai un peu l'impression que tout est à refaire. Donc je pense qu'en France, ça serait beaucoup plus. Tu en parlais, c'était donc le dernier pilier que j'aimerais évoquer. La consigne, c'est un peu comme la sobriété actuellement. Ça peut être vu comme un sacerdoce, comme un fardeau, comme une contrainte supplémentaire, ou ça peut être l'occasion de remplir nos vies différemment, de remplir aussi nos bouteilles différemment, mais de remplir nos vies de liens, d'impact. Impacts sociaux, solidaires presque. Et tu peux me raconter un peu, s'il te plaît, toutes ces imbrications de la consigne sur les gens qui nous entourent, en fait. Alors, je vais vous raconter l'histoire un peu de ma bouteille parce qu'elle est très illustratrice de ça, en fait. Ma bouteille, moi, je pourrais vous dire, on a eu l'idée en se rasant le matin avec... Non, en fait, pas du tout. C'est en fait les parties prenantes du territoire, les acteurs du territoire, les fabricants de bière, les fabricants de jus, les magasins bio, qui se sont dit, mais en fait, ça n'a pas de sens tout ça. Voir partir des camions à l'autre bout de la France, au mieux, pour aller, ce que je disais tout à l'heure, fondre du verre, etc., ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser sur le territoire pour faire autrement? Et en fait, c'est ce collectif de base de quelques personnes qui a réfléchi ensemble pour pouvoir mettre en place ce service de lavage et de réemploi de contenants en verre sur le territoire. Donc déjà, ce groupe-là, c'est une histoire extra parce que ce sont des gens qui, a priori, n'ont pas d'intérêt commun, qui s'en trouvent un et qui vont bûcher ensemble pour mettre en place quelque chose qui leur est profitable à tous. Donc ça, c'est déjà une belle histoire humaine. Et ensuite, on peut pas faire juste à quatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une centaine de clients chez Ma Bouteille. Et en fait, chacun d'entre eux, on est allé les voir, on leur a expliqué les enjeux, on les a convaincus. Et aujourd'hui, on est un groupe de plus d'une centaine de sociétaires dans notre société coopérative. Et tous ces gens-là participent à la gouvernance de notre projet. Donc, ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Et c'est une façon complètement différente de voir le monde et de voir la façon de créer de la valeur économique que de l'imaginer créé par tout un groupe de personnes, donc des producteurs, de tout ce que vous avez cité tout à l'heure, des magasins bio, des collectivités territoriales qui ont aussi leur intérêt à faire réduire les déchets sur leur territoire, d'acteurs économiques, de citoyens. Et donc, tous ces gens-là réfléchissent ensemble, participent à la gouvernance, au groupe de travail. Et donc ça, pour le coup, c'est une très belle façon de créer du lien, de se créer du commun, de se créer un récit commun sur le territoire. Et ça, c'est des choses dont on a terriblement besoin. Et on sent, à chaque fois qu'on fait une AG, à quel point les gens sont contents d'être là, à quel point ils sont contents de participer à ce projet. Donc ça, je trouve que c'est vraiment illustrateur, désolé, ce qu'on peut produire remettant en place comme ça des boucles de réemploi sur un territoire. Pour des entreprises qui auraient pu en fait se voir comme concurrents ou s'ignorer. Donc là, on recrée du lien. Et après, tu le disais, sur les emplois, là, on peut proposer des emplois à des personnes que tu qualifiais éloignées de l'emploi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça marche, ça, s'il te plaît? Exactement. Donc, Ma Bouteille s'appelle Revient, on est entreprise d'insertion. Donc, en fait, on embauche des personnes pour 3 ans qui sont éloignées de l'emploi. On les forme à un métier et surtout, on les replace dans un rythme d'emploi. Donc, ils sont dans un petit cocon plutôt douillet. Enfin, douillet, les emplois chez nous ne sont pas douillets parce que c'est quand même des emplois en industrie. Hein, donc, mais douillet dans le sens où on prend soin d'eux et on les amène petit à petit à reprendre l'envie de travailler, d'être dans une logique d'emploi. Et L'avantage quand ils sont chez nous, c'est qu'en plus, il y a l'histoire du sens. C'est-à-dire que ils voient ce qu'on fait, ils voient tous ces gens qui s'impliquent et ils s'impliquent eux-mêmes parce que beaucoup de nos salariés sont sociétaires de Ma Bouteille S'appelle Revient. Donc, ils ont leur mot à dire, ils peuvent participer et donc c'est aussi une façon plus avec un supplément d'âme que de travailler, que d'être aussi impliqué dans la stratégie de l'entreprise, dans ses choix et de comprendre qu'on participe à un projet territorial, à quelque chose voilà, qui embarque plein de monde sur le territoire. Je voulais vous donner un petit exemple aussi sur la vertu de la proximité. Quand on crée un projet territorial comme ça et qu'on implique des gens, on va dire, à 360 degrés, c'est-à-dire vraiment collectivité territoriale, je ne vais pas les reciter, le fait d'être en proximité, ça crée un lien particulier et du coup, un engagement particulier. Et une petite anecdote, c'est qu'on dit souvent, effectivement, les collectivités territoriales, c'est un peu lointain, c'est des gens voilà, qui sont assez inatteignables. Pour vous dire, la mairie de Chabeuil, donc, qui fait partie de nos sociétaires, quand on recrute, elle affiche nos offres d'emploi sur ses panneaux lumineux. Voilà, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire quand on ne connaît pas les gens et quand on n'est pas en proximité. Donc voilà, c'est cet engagement-là qui est joli dans le fait de faire des projets territoriaux. Ok, on vient de se rencontrer, tu m'as dit tout ça. Et je repense à la question que je t'ai posée au tout début, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Comment tu le qualifierais en un mot, en un terme ? Parce que je trouve que cofondateur, cofondatrice, pour toi en l'occurrence, présidente, ça ne veut rien dire. C'est juste sur l'énergie que tu as permis de déployer, mais concrètement sur la mission même que tu remplis au quotidien à travers ton, voilà, tout ce que tu nous racontes, tu dirais que tu fais quoi en fait ? J'anime en fait. J'anime un collectif. Donc j'anime un conseil d'administration, ça aussi c'est un terme très... Mais c'est un groupe de gens qui s'impliquent bénévolement. Donc j'anime ce groupe de bénévoles sur tout ce qui est gouvernance. Et puis j'anime aussi, quelque part, l'ensemble des personnes impliquées dans le projet, donc la plus de 100 personnes qui s'impliquent dans le projet. Et puis en tant que présidente, je suis aussi... responsable hiérarchique d'une partie des salariés de Ma Bouteille. Mais tu vois, Karine, on passe du statut tout à l'heure, c'était cofondatrice présidente, à maintenant le moyen, parce que tu animes, parce que tu crées du réseau et tout ça, mais c'est quoi la finalité ? Tu dirais que t'es ambassadrice du réemploi, t'es facilitatrice ou même lobbyiste pour la consigne. Comment on le dit ? Alors, j'ai du mal à dire « je » là-dessus parce que vraiment, quand j'ai démarré en te disant « je ne fais jamais rien seul », on est plusieurs. Et donc, si je dis « nous », c'est plus facile pour moi. Oui, on est des ambassadeurs parce qu'on a été le premier projet en France et que tous les autres projets sont venus se former chez nous. On est des lobbyistes parce que oui, on a la connaissance. On est ceux qui connaissent le mieux le sujet et que effectivement les lois et ceux qui les font viennent se renseigner chez nous. Et nous, on essaye aussi de leur faire passer des messages. Donc, on est vraiment tout ça. Ok, avant-gardiste, éclaireur, presque de la consigne en France. Pour le coup, oui. Trop bien. Bon, bah, on va voyager en 2030 glorieuse dans un mode de vie, une société où là, la consigne, mais ce sera une évidence absolue. C'est dans 10 ans, mais en fait, les choses vont aller vite. Et en attendant, on marque toujours une petite respiration. C'est pas une pause, c'est plutôt une parenthèse pendant laquelle l'invité, en l'occurrence toi, arrive avec une lecture d'un passage qui, selon elle, selon lui, et donc là, selon toi, Karine, représente, donne à voir, ouvre une fenêtre vers ces 2030. Glorieuse. Et ça se retrouve dans le livre que tu as face à toi là. Qu'est-ce que tu vas nous lire ? Je vais vous lire un livre de Marie-Hélène Strauss et Éric Julien qui s'appelle Le choix du vivant. Serions-nous devenus des barbares, étrangers à nous-mêmes et à la nature ? Paradoxe, c'est une société qualifiée de barbare par certains et d'archaïque par d'autres qui nous interpelle afin de nous rappeler l'existence des principes du vivant. Une société oubliée, hors de notre modernité, qui, depuis 4000 ans, fonctionne sur la base des lois universelles de la vie. Des lois et des principes qui permettent de tendre vers l'équilibre, facilitent l'adaptation, apaisent les corps et les esprits et redonnent du sens aux âmes des hommes. assiégée par la modernité, repoussée dans les hauteurs du massif de la Sierra Nevada, de Santa Marta, véritable maquette de la Terre posée à l'aplomb de la mer des Caraïbes, les Cagabas nous invitent au dialogue, avec nous-mêmes et avec cette nature qui nous porte et nous fait vivre. Un dialogue créatif, indispensable pour changer de regard, oser la métamorphose et l'inversion de paradigme. Une inversion de paradigme autrement appelée l'effet sablier. C'est le désir qui anime aujourd'hui nos sociétés modernes. Désir de jouir, de posséder, d'avoir du pouvoir, de dominer, d'accumuler, d'exister, de repousser les limites de la mort, de contrôler, de tenir le risque à distance. Un désir qui, s'il n'est pas conscientisé, canalisé par la mémoire, peut devenir mortifère. Puis viennent notre imaginaire et les machines associées. Toutes les machines, jeux, consoles, applications, téléphones, avions, ordinateurs, réseaux sociaux, enlacés dans un balai fou, qui, comme le figuier tueur dans les forêts tropicales, enlace, étreint et étouffe l'arbre sur lequel il a jeté son dévolu. Des machines pratiques, mises au service de nos désirs, qui les amplifient, les accélèrent, en multiplient les effets et se développent selon les logiques qui nous échappent. L'humain, quand il existe, est relégué au troisième plan. Il devient variable d'ajustement, au service de la production de machines, elles-mêmes au service de nos désirs. Hors de son corps, de sa nature et de la nature, de ses besoins physiologiques, vidé de son âme, absent à lui-même, morcelé, il est contraint de s'adapter, d'agir et de penser toujours plus vite. Saturé, agité, distrait de lui-même, il perd le sens et la mémoire. Enfin, la nature se voit réduite à une simple dimension esthétique, un espace de loisirs ou une réserve illimitée de matières premières à disposition des humains et de leur frénésie de développement. Alors si nous avions l'audace de retourner notre sablier, un nouveau paradigme pourrait se dessiner. Karine, pour cette lecture, pour cette bulle d'inspiration, tu as parlé de retourner le sablier, tu as parlé de retrouver notre mémoire et de reprendre notre place parmi le vivant. Et bien justement, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça y est, on y est. On est en 2030 glorieuse. Tu as peut-être senti la secousse sous toi pendant que tu lisais. Alors je sais que c'est un exercice très difficile que je te demande et je m'excuse d'avance pour toutes les personnes qui vont nous écouter parce que même moi, tu vois, j'ai mené 70 interviews et à chaque fois, ce voyage en 2030 glorieuse, il est toujours aussi passionnant, mais parfois aussi difficile, complexe, on s'y habitue vraiment jamais parce qu'on parle de très très loin. On parle de très très loin, nous les Français, on est quand même le peuple pessimiste par excellence où notre intelligence, elle est seulement vue comme de la critique négative. Donc là, on va s'autoriser à rêver, on s'autorise à voir en grand, on s'autorise à se dire que c'est possible. C'est un jeu de l'esprit qui, à mon avis, est hyper nécessaire parce que ça ouvre des caps, ça nous donne à voir des objectifs ensuite qui, dans le présent, voilà, nous mettent en mouvement et nous permettent d'être beaucoup plus en fait stratégiques et efficaces. Voilà, ça c'est dit, donc on y est. On est en 2030 glorieuse, Karine. Et ma première question, c'est là, ça y est, maintenant que tu sens que tu es dans ce monde beaucoup plus respectueux du vivant, si tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois ? Alors là, j'avoue que je vais me mettre dans ma peau de maman, parce qu'en fait, il faut bien l'avouer, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui parce que j'ai deux filles extra. Et en fait, ce sont eux que je vais regarder par la fenêtre, en fait. Ce sont les jeunes pour savoir où ils en sont. Et là, c'est génial. Parce que les jeunes, ils ont retrouvé l'envie d'agir, ils ont les yeux qui brillent et ils sont en train de construire leur monde sur le sol fertile qu'on leur a laissé. Et je me dis, waouh, c'est chouette parce qu'à la fois, nous, on a fait le job et puis eux, ils sont en train de le faire, le job. Et là où on a fait le job, c'est qu'on a été des défricheurs, pour reprendre un de tes termes. Effectivement, on a questionné, on a expérimenté plein de nouveaux modèles. Pas juste un peu de peinture verte, pas juste un petit pivotement. Non, on a vraiment expérimenté d'autres modes de faire, une vraie transformation, quelque chose de complètement différent. Et ça, moi, je le vois partout autour de moi. Et je suis très contente que ça existe parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, que plein de personnes aujourd'hui n'imaginent pas tous les possibles qu'on est en train d'expérimenter et qui sont vraiment basé sur, pour moi, notre retour à notre nature profonde. Et donc, je suis fière de voir tous ces jeunes qui sont en train d'écrire un récit commun parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, l'autre, l'alter, n'est plus un danger, n'est plus quelqu'un qui va les juger. Au contraire, c'est une ressource. C'est quelqu'un qui a les mêmes envies que lui et qu'on peut fonctionner de façon incroyablement... incroyablement fluide et bénéfique en se faisant confiance les uns et les autres. Et voilà, c'est ça que je vois et je me dis, c'est super parce que ce qu'on expérimente aujourd'hui, ça leur sert et c'est trop bien. Donc il y a 10 ans en arrière, on parlait beaucoup d'éco-anxiété, ça touchait toutes les générations, mais on sentait que c'était particulièrement virulent chez la jeunesse. Là, en 2030, cette jeunesse, quand elle regarde l'avenir, elle reprend confiance et elle se dit qu'il y a d'autres possibles, d'autres croissances, de nouvelles abondances, comme nous le disait Dominique Dipmeda il y a 10 ans en arrière, en 2022 à l'époque. Hein. À la fois, les 2030, elles sont, elles étaient... on part des 2022, donc les 2030, elles sont passées, c'est quoi, 10 ans plus tard, même pas 12, 15 ans peut-être si tu veux. Donc c'est assez rapide, tu parles beaucoup de la jeunesse, mais cette jeunesse, elle collabore, elle coopère avec tout un tas d'autres générations. Est-ce que tu peux me raconter la teneur de ce lien-là, comment ça marche, comment ça fonctionne? Mais justement, en fait, ce qu'on a pu expérimenter dans les années 2020, nous a montré qu'on était beaucoup plus fort quand on pouvait coopérer ensemble, qu'on pouvait créer des choses beaucoup plus intelligentes quand on était à plein de cerveaux. L'innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas seul, en fait. L'innovation, c'est forcément un processus collaboratif et collectif. Et on nous a fait croire à un moment que c'était le concours Lépine, hein, l'innovation, que c'était inventer le nouveau fil à couper le beurre. Mais en fait, pas du tout. Donc, les belles innovations dont on a besoin pour construire ce monde nouveau, avec ces nouvelles donnes, cette nouvelle donne qui est en perspective et qui l'est toujours, je pense, en 2030, c'est comment est-ce qu'on se compte les uns sur les autres pour le mettre en place. Et c'est là où je voulais faire un petit point sur Startup de territoire, parce qu'aujourd'hui, on est à l'Hypercute Forum. Et en fait, Startup de territoire, c'est aussi devenu le mode de faire de toutes les entreprises qui se créent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui constatent qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas là où ils sont et qui se disent bah, « en fait, je ne vais pas compter sur un État-providence ou sur un Elon Musk pour régler ce problème ou en tout cas cet enjeu. » Et en fait, on va se mettre à plusieurs autour d'une table et on va y réfléchir et on va trouver la solution, on va la faire exister, on va lui trouver un modèle économique ou pas, mais en tout cas, on va trouver une solution tous ensemble. Et donc, c'est devenu maintenant une nouvelle façon d'entreprendre où plus personne n'entreprend dans son coin juste pour gagner de l'argent, mais en fait, ce sont des citoyens qui créent des petites structures associatives ou des entreprises et voilà, qui trouvent des solutions aux enjeux de demain. Et donc, il y a des jeunes, il y a des plus anciens, mais en fait, tout le monde fonctionne ensemble parce que voilà, on a aussi modifié l'éducation qu'on a donnée à nos enfants et maintenant, ils nous font confiance à nous aussi. Et donc ça, c'est super bien. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous a remis un peu à niveau avec cette jeunesse parce que tous et toutes, on a dû retourner sur les bancs de l'école pour apprendre à coopérer justement. On a eu des formations obligatoires, on a dû passer un permis de coopérer. Ah ça, ce serait super, franchement, j'adorerais ça. Oui, en 2023, je crois qu'il y a eu une espèce de prise de conscience dans l'éducation nationale qui s'est dit qu'il fallait absolument changer l'école. Et donc maintenant, toutes les formations et les cours ont lieu de façon coopérative. Et donc, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, maintenant, tout le monde fonctionne comme ça. C'est vraiment génial. Revenons sur le sujet qui est le thème central de cette interview en 2030, celui de la consigne. Il y a 10 ans, vous étiez des éclaireurs. Là, j'imagine que ma bouteille s'appelle Revient est noyée presque au milieu d'un flot continu d'autres initiatives qui tournent autour de la consigne largement démocratisée en France. Oui, exactement. En fait, nous, c'est vrai qu'on est resté notre petit projet de territoire hein, parce qu'on n'a pas l'intention de devenir plus gros que ça. Mais en revanche, il y a des projets de territoire partout en France et sur tous les types de contenants. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus un morceau de plastique qui circule, que quand on va se chercher à manger à la boulangerie, c'est dans un contenant qu'on va ensuite laver. Et qu'aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée de qui que ce soit de manger dans un truc en plastique et de le jeter dans une poubelle qui déborde déjà. Et donc, d'encombrer l'estomac d'un mammifère, que ce soit nous ou celui d'un mammifère marin. Donc ça, je pense qu'on a vraiment réussi quelque chose d'assez fantastique tous ensemble. Ouais, hein, tu le disais, si effectivement la consigne elle était évidente pour les produits liquides, donc effectivement les boissons, les huiles, pourquoi pas aller la lessive, en fait on allait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Quel est aujourd'hui en 2030 Glorieuse le produit consigné le plus exotique, le plus presque rigolo? Moi, je pense forcément à mon éclair au chocolat que je m'autorise tous les dimanches, qui est consigné parce que ça sert à rien d'avoir voilà, un emballage en carton avec un petit emballage en papier. Toi, tu as d'autres produits comme ça qui sortent du lot. Il y a forcément la pâte à tartiner, il y a le beurre de cacahuète. On pense à tout ce qui, en fait, pourrait rentrer dans un contenant en verre et plus que ça ? Dans tout ce qui est vente à emporter, là, il y a vraiment une révolution à faire. Et effectivement, aujourd'hui, ce serait super d'avoir des petites cups en verre pour les gens qui veulent leur glace dans une petite cup en verre. Et puis, ils viendront la rapporter pour se prendre une deuxième glace. Enfin, ça, je parle plutôt de moi, j'avoue, mais je suis très gourmande de glace au chocolat. Mais en tout cas, voilà, ce serait super de pouvoir avoir des petits contenants pour la glace, même en forme de cornet. Enfin, voilà, on peut tout imaginer pour que ça reste un petit peu fun, mais que pour autant... on arrête de prendre des trucs en plastique pour la nourriture à emporter. Mais là, t'imagines, c'est une révolution complète que tu proposes parce que des petits contenants comme ça, un peu particuliers, on s'imagine tout à fait nous les nettoyer parce que forcément, les grands centres de lavage, ils vont pas pouvoir prendre en la responsabilité du nettoyage de tout ce qui est consigné. Donc on va jouer une partie de cette responsabilité, nous les citoyens, pourquoi pas certains magasins, même si ça implique une certaine logistique. Donc quand je reprends mon exemple de l'éclair au chocolat et que je vais chez le boulanger pâtissier, là je l'ai nettoyé, je lui représente, je m'en sers ou pas, il le reprend, il me rend l'euro que j'avais déposé en caution, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Par contre, des modèles où tout a été construit sur le jetable. Je pense aux grandes chaînes de fast-food. Là, en fait, elles vont devoir mourir de fait puisqu'elles ne pourront pas rajouter une salle supplémentaire pour assumer la consigne. Comment ça marche ? On dit au revoir au McDo, on dit au revoir à tout ça, alors c'est fini. Juste une petite précision, c'est que typiquement chez ma bouteille, on lave des bouteilles, mais pas que. On lave des pots, on lave des petits contenants pour la cosmétique, donc on lave des choses très différentes. Donc on peut imaginer laver des choses très différentes. Après, on est d'accord qu'il y a un souci d'homogénéisation, qui est un de nos très gros enjeux hein, de standardisation. Donc effectivement, il ne faudra pas qu'il y ait trop de choses différentes, mais on peut quand même imaginer pas mal de choses différentes lavées par les laveurs de contenants en verre. Après, pour le McDo... j'ai envie de dire, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas servir un hamburger dans une assiette ? Et revenir à un restaurant classique ? Franchement, voilà. Moi, personnellement, si McDo disparaît, j'avoue que je ne serais pas forcément au bout de ma vie. Vivre. Mais je comprends qu'on ait envie de continuer à manger au McDo. Mais est-ce que c'est obligé, en fait, de manger son McDo dans un truc en carton pour que ce soit mieux ? Je ne suis pas sûre, en fait. Donc... C'est sûr que non, et même qu'en 2030 glorieuse, on se rendra compte à quel point on était fous par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, la consigne, elle a eu un effet qui nous a tous et toutes impactés, au-delà de ce que tu disais, hein, sur ces poubelles qui débordaient à l'époque, et là, qu'on voit quasiment plus, tellement elles sont rares. Elles nous ont aussi permis de remettre à leur juste place les produits. Je m'explique. Étant donné que la consigne rend obligatoire l'utilisation de certains emballages, certains contenants un peu standardisés, avec des étiquettes qui sont elles aussi un peu standardisées, voilà, on a beaucoup moins de références, on a beaucoup moins de marketing, on a beaucoup moins cette agression visuelle qui nécessite de créer encore et encore et encore et toujours des besoins. Et donc finalement, cette consigne, elle apporte un peu de la paix à toutes les personnes qui vont faire les courses à un moment ou un autre et qui n'ont plus voilà, cette surabondance de choix qui nous rendait un peu fous en fait. Oui, exactement. Ça, c'est, on a réussi enfin dans les années 2020 à renoncer à ça et à se dire que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du contenant et non pas toutes les fioritures qu'il peut y avoir tout autour. Et parce que les citoyens ont enfin pu le dire et l'exprimer très clairement, les producteurs et les fabricants ont fait cette transition-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même un fabricant de bière, il a l'impression qu'il ne vendra pas aussi bien sa bière s'il prend une bouteille standardisée et que donc sa bouteille est la même que celle d'à côté, même si son étiquette, elle, reste différenciante. Et en fait, heureusement, maintenant, les citoyens, ils leur ont dit « Mais non, mais en fait, nous, on s'en fiche. Moi, en fait, je bois votre bière parce que je l'aime ou parce que quelqu'un que j'aime m'a dit qu'il l'aimait. Et pas du tout parce que, en fait, la bouteille, je la trouve jolie. » Donc, ouais, là, on a vraiment fait une belle transition dans nos modes de faire et ça nous a effectivement tous apaisés face à ces choix qui souvent sont cornéliens et non justifiés. Tu disais aussi de reprendre notre place parmi le vivant. Nous, en tant qu'animaux, on doit manger tous les jours. Et justement, la consigne, elle a permis aussi de remettre un peu de la transparence dans notre alimentation, puisque ayant des contenants qui sont du coup souvent transparents, on est beaucoup plus confronté à ce qu'on mange. On le voit, on l'affiche désormais avec encore plus de plaisir dans nos placards, en fait, qui sont devenus des étagères. Et là où avant, on avait des paquets de toutes les couleurs dont on ne savait pas bien ce qu'ils contenaient. Et donc, vraiment, beaucoup de produits industrialisés, surpréparés. On a aujourd'hui un peu ce qu'on voyait il y a 10 ans en arrière avec l'arrivée du zéro déchet, le plaisir de mettre en avant les produits qu'on consomme parce que en fait, on les voit directement, on voit des couleurs du vivant, on voit des textures et donc ça aussi, ça recrée un peu ce lien avec cette alimentation qui est une des constituantes obligatoires de cet animal qu'on est tous et toutes. Oui, et puis aujourd'hui, on a aussi plus envie de faire les choses nous-mêmes, de se reconnecter effectivement, d'aller plutôt chercher nos fruits et légumes et puis de préparer nos propres petites compotes ou nos propres petits, petites conserves parce que c'est joli effectivement. Et puis quand on l'a fait soi-même, c'est toujours un petit peu meilleur. Donc ça nous a aussi effectivement fait transiter sur cette partie prendre des choses dans un magasin et puis les accumuler chez nous, les manger, les jeter. Donc déjà on a pratiquement plus de poubelles et ça franchement ça fait de la place pour plein d'autres trucs sympas. Et puis en plus effectivement ça nous a reconnecté à cette nourriture qui est issue de la nature et qu'on fait pas que prélever, mais en tout cas ça crée un lien entre la nature et nous. Donc oui, je suis d'accord, c'est tout à fait ça qui se passe aujourd'hui. Toi, tu fais quoi, Karine, en 2030 Glorieuse ? Qu'est-ce que je fais en 2030 Glorieuse ? En fait, je crois que je continue à vouloir faire avancer tous ces sujets. Et je parlais de la jeunesse, mais je crois que c'est vraiment le sujet que j'ai pris à bras-le-corps. Et voilà, j'essaye de continuer à, comment dirais-je, sensibiliser la jeunesse sur d'autres modes de faire, sur comment ils peuvent se sentir épanouis et heureux et comment, en fait, les perspectives qui sont devant eux sont plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ça marche bien et ça, c'est vraiment satisfaisant. Finalement, cette consigne, c'était un des marqueurs de cette envie de simplification, de circularité, de renforcer le sentiment d'appartenance, la fierté d'être localisé sur un territoire où on voit passer les choses qui nous font vivre. Ça a été un des signaux faibles de cette économie du réemploi, mais en fait même ce mode de vie circulaire qui aujourd'hui est largement démocratisé en 2030 Glorieuse. Oui, c'est ça. Et je pense que ça a vraiment permis à chacun de se reconnecter à quelque chose d'autre. Que ce soit effectivement, on disait, les producteurs sur la non-nécessité d'avoir quelque chose de propriétaire sur leur design ou les citoyens sur le fait qu'ils participent à quelque chose sur leur territoire. C'est très gratifiant en fait de rapporter ces bouteilles ou ces contenants en verre parce que on a vraiment l'impression de participer à quelque chose de commun. Et donc, je pense que voilà, la circularité, déjà, ça nous parle de nous, des gens qui sont autour de nous. Ça crée du lien dans toutes les couches de la société, effectivement à tous les âges. Et jusqu'à présent, en 2020, on n'avait pas réussi à le faire, ça. On avait fait plein d'expérimentations, souvent. En fait, on croyait trop en 2020 que des technologies providentielles allaient régler nos problèmes. C'est-à-dire qu'on pensait que le lien social, on allait le créer avec des applis. On pensait que les difficultés d'approvisionnement en énergie ou en eau, on allait le créer avec des machines. Et ben, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, et c'est ça que le choix du vivant, c'est de se dire, ben non, en fait, on va plutôt choisir les vivants pour régler nos problèmes plutôt que des machines. Et en fait, ça fonctionne bien mieux. Et donc ça, c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle des 2030 Glorieuses. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui disent « Waouh, mais attends, en fait, bien sûr, cette circularité, ce lien, cette transparence, moi, j'ai envie de participer à tout ça. » Alors peut-être qu'elles ont la chance d'avoir une initiative qui porte la consigne sur leur territoire. Et donc, je serais curieux que tu nous en cites deux, trois peut-être, d'autres exemples un peu partout en France à identifier. Et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais la consigne n'est pas encore activée sur leur territoire, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de projets donc sur vraiment la consigne, donc plutôt la partie bouteille en verre. Donc là, il y a trois projets qui vont se regrouper. Donc le nôtre, celui donc de l'Isère et donc celui de Lyon. Donc là, on va vraiment avoir trois unités. Donc sur tous ces territoires de Rhône-Alpes, en tout cas, il y aura une solution. Après, il existe des projets dans les Hauts-de-France, il existe des projets à Toulouse. Donc il y a plein de petites initiatives qui poussent un peu partout. Et alors surtout, ce que je vais leur conseiller, c'est vous êtes concernés par ce sujet de la consigne, regroupez-vous à plusieurs. Voilà, commencez à y réfléchir et puis venez nous en parler parce que voilà, on a ce rôle de transmission qu'on adore et qui lui aussi pose les premières bases des 2030 glorieuses parce que je pense qu'une autre entreprise n'aurait pas accompagné ses concurrents gratuitement pendant plusieurs années. Et donc là, aujourd'hui, on invente vraiment un nouveau modèle où on sait que le sujet grandira à partir du moment où on sera plein. Et donc oui, on investit du temps pour former les autres. Et avec grand plaisir même. Merci Karine. Et voilà, cette interview avec Karine Fleury vient de se terminer. Je suis très heureux de pouvoir donner de plus en plus la parole aux personnes qui se lancent sur le territoire. C'est vrai que souvent ou trop souvent, je trouve qu'on a tendance à donner la parole à des initiatives qui viennent de la région Île-de-France, pour pas dire Paris. Et donc d'avoir voilà, Karine qui nous parle de Ma bouteille s'appelle Revient, qui elle est dans la région Drôme-Ardèche, ça montre qu'en fait, on a vraiment tout intérêt à s'intéresser à ce qui se passe de partout en France et en fait voilà les alternatives vertueuses, ce qui fait les 2030 glorieuses se retrouve absolument partout et nous permet aussi un peu de tordre le cou une bonne fois pour toutes à cette idée reçue que bah, c'est vrai que tout étant très centralisé en France, bah, voilà, les bonnes idées viendraient de la capitale et derrière on devrait se les réapproprier pour pouvoir les adapter sur le territoire alors qu'en fait c'est souvent l'inverse et ça fait du bien de le dire. Et puis en plus de ça, avec l'initiative de Ma bouteille s'appelle Revient, on voit à quel point la circularité c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où souvent ça existait déjà et en fait on a raison de reprendre des principes dont on pensait qu'ils étaient parfois obsolètes mais qu'on peut remettre au goût du jour avec plein de d'améliorations, de modifications. Et là en l'occurrence Karine nous parlait du fait que ce retour de la consigne ça allait impliquer aussi voilà, de créer tout un tas d'emplois et notamment des emplois pour les personnes qui étaient en général avec des situations de vulnérabilité professionnelle depuis de nombreuses années. Et surtout cette circularité, c'était l'occasion de recréer du lien entre les gens et donc des initiatives, des boutiques, des magasins, des producteurs qui parfois auraient pu se traiter comme des compétiteurs voire des ennemis, en fait se parlent, s'unissent pour faire que leur procédé, leur processus soit plus vertueux avec notamment ce retour de la consigne qui là en l'occurrence fait du bien à tout le monde jusqu'au consommateur puisque ça fait du bien au porte-monnaie. Voilà, encore une bonne initiative, encore une preuve que les boucles les plus courtes de la circularité fonctionnent et méritent d'être largement déployées partout pour faire advenir le plus rapidement possible ces 2030 glorieuses. Merci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tout cet intérêt que vous portez aux 2030 glorieuses et pour toutes ces fois où vous en parlez autour de vous. Et forcément, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!